maintenant j'balle. Mais c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. All I know are sad songs shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Son de Mike Posner sur Skyrock à Itoukepilini Biza. Il est 6h du matin. Soyez tous les bienvenus sur Skyrock. On va passer la matinée avec le morning rap et R&B sur Skyrock. On va terminer la semaine ensemble d'ailleurs en ce vendredi matin. Je vais faire une grosse dédicace aussi à tous ceux qui bossent là à l'heure actuelle. Bon, il y en a plein partout, hein. Je sais qu'il y a plein de monde qui bosse là déjà ce matin. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est vendredi. Normalement, ça veut dire que il y a le week-end qui approche. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Il y a du son qu'on va s'écouter ce matin. Il y a la roulette aussi qui va tourner. Je vous parle du programme, hein. La roulette qui va tourner tout à l'heure. On aura l'horoscope de l'amour aussi. L'horoscope de l'amour, c'est votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Bon, ben ça dit quoi pour ce vendredi matin? C'est ce qu'on découvre dans quelques instants sur Skyrock. On va se faire un petit point sur l'actu maintenant. On va attaquer directement avec Jules, qui est là déjà. Ouais, salut Stéphane, salut à tous. Ça va Jules? Nickel, nickel. Ok, on est parti pour l'actu maintenant. On va se faire un petit point sur la météo et les indices de pollution pour ce vendredi matin. Ouais, bah ça fait plaisir ce matin, du soleil sur toute la France avec quelques nuages bas sur le nord. Cet après-midi, pas de grand changement, du soleil encore et quelques nuages sur la région Rhône-Alpes et le Nord-Pas-de-Calais. Les températures ce matin vont de 18 à 26 degrés, 18 à Caen et Brest, 19 à Lille et Strasbourg, 20 à Orléans et Bordeaux, 21 à Agen et 24 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 30 degrés, 19 à Rennes, 23 à Nancy, 26 à Paris et Nantes, 27 à Lyon et Perpignan et 30 à Nîmes. Au niveau de la pollution, c'est moins bien qu'hier, des indices entre 3 et 6, 3 à Limoges, 4 à Auxerre et 5 à Nice. Il est 6h02 sur Skyrock et je vous parlais de designer, ça arrive, il y a SCH aussi et 21 Pilots sur Skyrock juste après l'actu. Des médailles pour les Français à Rio, 5 hier, la première est de bronze grâce à l'aviron, la seconde en canoë toujours en bronze, les deux suivantes grâce au judo, une de bronze et une d'argent grâce à Audrey Chemeo, la dernière est aussi en bronze en cyclisme sur piste vitesse. Par équipe. Des chances de médaille aujourd'hui pour les Français. L'entrée en lice de Teddy Riner en judo, invaincu depuis 2010 avec 124 victoires de suite. Il est à un niveau historique. On espère évidemment la médaille d'or. Autre chance de titre olympique, Florent Malodou ce soir à 3h40 avec la finale du 50 mètres nage libre. Il a marqué les esprits hier. Il a signé la meilleure performance mondiale de l'année en 21 secondes 32 en demi-finale. Quand va-t-il s'arrêter? Encore un record pour Michael Phelps. L'Américain remporte le 200 mètres 4 nage. C'est le premier nageur à remporter 4 fois la même épreuve individuelle au JO. Il décroche sa 22e médaille olympique. Les feux se poursuivent dans le sud et dans les Pyrénées orientales. Un incendie près de Perpignan dans la commune de Rodez où quelques habitants ont été évacués hier. Des centaines de personnes ont été accueillies dans des centres d'hébergement. 1100 hectares ont été dévastés. À Marseille, le feu touche le nord de la ville depuis avant-hier. Il serait maîtrisé. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés et restent extrêmement vigilants pour empêcher un nouveau départ de feu. 3300 hectares sont partis en fumée. Un homme a d'ailleurs été interpellé et placé en garde à vue à Vitrolles. La personne aurait été aperçue près d'un départ de feu. Une enquête pour déterminer les causes est en cours. Ils auraient pu devenir millionnaires, mais ils ne se sont pas manifestés. Deux personnes qui ont validé leur bulletin dans la Vienne et la Savoie auraient pu remporter 1 million d'euros chacun. Ils avaient jusqu'à avant-hier pour valider leur bulletin. Ils passent donc à côté d'une très grosse somme. On termine avec du sport et du foot. La reprise de la Ligue 1 ce soir avec en match d'ouverture Bastia PSG. La dernière recrue en provenance du Real Madrid, Ressé, est dans le groupe. Pareil pour Ben Arfa. Cavani est lui absent pour blessure. Coup d'envoi à 20h ce soir et Monaco Guingamp à 20h30. Ok, merci pour ce premier point sur l'actu, Jules. Toi, tu reviens tout à l'heure à partir de 6h30. Je suis traumatisé par ton histoire des deux gars qui sont pas allés. Ah, ouais, le million. Un million chacun, les mecs sont pas venus chercher. Chacun, ils sont pas venus les chercher. Mais moi, pour un million, mais je gagne un million, je suis la seconde d'après. Exactement. Je suis le mec, le bureau de tabac, je le avant réveille, je suis déjà là. Traîne jusqu'au magasin, qui l'ouvre son truc, qui me file un million. Attends. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Ouais, bah tu reviens tout à l'heure à partir de 6h30 sur Skyrock. Allez, bon début de journée à tous. Tu parlais de Ligue 1 aussi, ouais, la Ligue 1, ça y est, c'est parti. Les deux premiers matchs qui vont avoir lieu ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui va jouer face à Guingamp et Bastia qui va jouer face à Monaco. La Ligue 1 d'ailleurs, si vous êtes du côté de Bordeaux, si vous êtes du côté de Nice, à Marseille, à Dijon, à Caen, à Montpellier, à Metz et à Nancy, on aura des places pour aller mater les matchs à domicile dans le morning là ce matin. Donc restez bien à l'écoute. Bien sûr, il y a la roulette aussi qui va tourner avec plein de cadeaux pour vous à choper bah, ce matin sur Skyrock. Donc restez bien à l'écoute. On va attaquer directement le morning rap R&B sur Skyrock. Avec SCH, avec 21 Pilots sur Skyrock et Designer, maintenant le New Yorkais Designer. Il est 6h05, on est bien, on est sur Skyrock. Designer avec Penda sur Skyrock. The lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacies, family, wait and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, been on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, in the bullet you ban it, hope you killers on the stand, I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family. Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your panda. Hope you killers understand. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted the lean and shoot, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside the shoot, let designer, over to Lattice shoot. They be acting rats, I know we clapping shoot. I be pulling my stuff in the Fanta shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, Fanta, why is it killing no comma? Pop a perk, I got Stanley Gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the Panda, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, that's counting for digits, say you make you a lot of new money. No killers, pull up in the end of baby, CTD, pull off in the killer, baby, call a feeling, feel like I'm feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby, fuck, gon' kill it, baby, get it. I got broads, yeah, I get it, I got cards, yeah, I shoot it. This how I live, did it all for a ticket, I play the bombs when he spin it, the Bobby be trending, chop the dawn, doing business in the brave, doing the fool, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are free. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, panda, package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your bandit, hope you killers understand me. I got broads in Atlanta,

foutre. Le son de Vita et de Jules sur Skyrock en ce vendredi matin, il est 6h17, on est le 12 août, bon été, hein, c'est le cas pour vous. Courage à tous ceux qui bossent là aujourd'hui, en ce vendredi, franchement, déjà quand on bosse, on se dit qu'avec un peu de chance, il y a le week-end qui arrive. Ça c'est pas mal. Bon bah dédicace à vous tous en tout cas, ceux qui sont en train d'attaquer la journée là, avec nous sur Skyrock. Le morning rap et R&B avec plein de cadeaux à choper. Il y a la roulette qui va tourner tout à l'heure, hein, la roulette avec les places pour aller mater le Whoop, le spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock. Cadeau pour vous en écoutant ce matin la radio, hein. Reste à l'écoute de Skyrock là, ce matin. Major Lazer aussi arrive sur Skyrock. Major Lazer, Justin Bieber, l'horoscope de l'amour aussi qui se prépare, ouais ça arrive. Le son de Shai aussi, elle est belge, c'est la protégée de Booba, elle débarque dans quelques instants sur Skyrock, tout comme DJ Snake aussi. Let me love you, c'est le son. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Un show unique organisé par Sam. Ça c'est bien. Et seulement pour les auditeurs de Skyrock. Aujourd'hui sur Skyrock, on reçoit un rappeur du 8-3, c'est MTTW, t'es prêt? Ok, alors balance le beat. Vas-y, balance. Et écoute Skyrock toute la journée. On voit Roulette au 7-20-20. Il gagne tes places pour voir Mister V, Hugo tout seul, Malcolm to the World, Mike, Jérémy, Hakim et Youssoupha. Eux, c'est le Whoop. Rien que pour toi, le 16 septembre à Paris avec Skyrock. Ouais, le spectacle du Whoop Game. Le show exceptionnel du Whoop en exclu pour Skyrock. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Sam. Rien que pour les beaux yeux de Sam, celui qui te raccompagne chez toi après les soirées. Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le Whoop sur scène. Et ça, c'est bien, ok? Le morning rap et R&B. R&B. 6h-9h sur Skyrock. Ramsey. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low?

you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Il est 6h31 sur Skyrock, c'est le morning rap et R&B avec le son de DJ Snake avec Justin Bieber. DJ Snake avec Let Me Love You sur Skyrock, qui nous aime bien d'ailleurs, Justin Bieber, ce que j'étais en train de raconter à Jules. On a fait un tweet la dernière fois à la radio et le mec nous a retweeté. Ouais. Justin Bieber, ça veut dire qu'il nous aime bien. Ouais, bah oui. Bah on aime bien lui aussi. Bah on l'aime bien aussi. Et puis DJ Snake aussi, hein. Franchement on l'aime bien, mais il est venu plein de fois à Skyrock d'ailleurs. DJ Snake, il avait mixé ici à Skyrock. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You sur Skyrock. Il y a l'horoscope de l'amour qui arrive pour ce vendredi matin. Alors comment est-ce que vous allez terminer la semaine côté amoureux? Bah restez à l'écoute de Skyrock. Il y a l'horoscope de l'amour qui va débarquer dans quelques instants sur Skyrock. Le son de Soprano aussi. Soprano sur Skyrock. On a prévu dans l'émission Soprano dans le morning rap et R&B. La roulette de prévu aussi. Et puis les infos maintenant, on se fait l'actu. On attaque directement avec la météo, les indices de pollution, Jules. Ouais, bah c'est nickel ce matin, du soleil sur toute la France avec quelques nuages bas sur le nord. Cet après-midi, pas de grand changement, du soleil encore et quelques nuages sur la région Rhône-Alpes et le Nord-Pas-de-Calais. Les températures ce matin vont de 18 à 26 degrés, 18 à Lorient et Guingamp, 19 à Lille et Mulhouse, 20 à Rouen et Bordeaux, 21 à Toulouse et 24 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 30 degrés, 19 à Rennes, 23 à Dijon, 26 à Paris et Nantes, 27 à Lyon et Narbonne et 30 à Montpellier. Au niveau de la pollution, c'est moins bien qu'hier, des indices entre 3 et 6, 3 à Bayonne, 4 à Béziers et 5 à Cannes. Il est 6h32 sur Skyrock, le morning rap R&B avec Soprano, avec Fat Joe et Maître Gims. 5 médailles pour les Français hier à Rio, 4 de bronze grâce au cyclisme sur piste, au canoë biplace et à l'aviron. Le judo rapporte la dernière de bronze et celle d'argent grâce à Audrey Chemeo qui a perdu en finale. Le programme aujourd'hui pour les Français, l'entrée en lice de Teddy Riner en judo, invaincu depuis 2010 avec 124 victoires de suite. Le football féminin, les Françaises affrontent le Canada à minuit en quart de finale. Autre chance de titre olympique, Florent Manodou ce soir à 3h40 avec la finale du 50 mètres nage libre. Il a marqué les esprits hier, il a signé la meilleure performance mondiale de l'année en 21 secondes 32 en demi-finale. Les feux continuent dans le sud et dans les Pyrénées orientales. Un incendie près de Perpignan dans la commune de Rodez hier. Des centaines de personnes ont été accueillies dans des centres d'hébergement. 1100 hectares ont été dévastés. Éviter toute reprise de feu, c'est l'objectif à Marseille aujourd'hui après les incendies qui ont vu 3300 hectares partir en fumée. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés et restent vigilants. Nous retrouverons les auteurs de l'incendie, promet François Hollande. Un homme justement a été interpellé et placé en garde à vue à Vitrolles. La personne aurait été aperçue près d'un départ de feu. Une enquête pour déterminer les causes est en cours. L'affaire Jacqueline Sauvage, le tribunal rend sa décision aujourd'hui sur la demande de libération de Jacqueline Sauvage. François Hollande avait accordé la grâce présidentielle à cette femme de 68 ans, condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari qui la battait depuis des années et avait violé ses filles. On termine avec du sport et du foot. La reprise de la Ligue 1 ce soir avec en match d'ouverture Bastia PSG à 20h et Monaco Guingamp à 20h30. La suite de la Ligue 2 aussi ce soir avec la troisième journée et 8 matchs au programme. Parmi eux, le leader Le Havre se déplace au Gazélec Ajaccio, son dauphin Sochaux se rend à Clermont et Tours reçoit le promu Strasbourg, coup d'envoi à 20h. Ok, la Ligue 1, ouais, c'est reparti. La Ligue 1, Jules, qu'est-ce que ça va donner durant cette nouvelle saison de football? Bah, j'imagine que le Paris Saint-Germain est ultra favori. Ultra favori, ouais. Normal avec l'effectif. Voilà, ils sont toujours favoris. Exactement. Et tous les matins, Jules, il essaie de me gratter avant tout le monde l'horoscope de l'amour. Ouais. C'est un truc qui me stresse. Dès qu'il arrive à la radio, il y a un truc qui me demande, je lui dis, je peux pas te le dire. C'est avec tous les auditeurs. Je suis obligé d'attendre. Voilà, t'es balance, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça dit quoi? Ça dit 3 sur 5 en exclusivité, je te dis ça. Ah, ça va. Mais ça tu va. As tout en détail pour tous les auditeurs de Skyrock. Bah, restez à l'écoute, je vais détailler ça dans l'horoscope de l'amour dans quelques instants. Il est 6h35 sur Skyrock, le morning rap et R&B avec le Marseillais Soprano. Maintenant, Sopra avec Le Diable ne s'habille plus en Prada. Le classique de Fat Joe et Maître Gims aussi avec Ma Beauté sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe.

demande pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour. Je m'en fous. Je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous. Morning Rapper R&B sur Skyrock. On termine la semaine ensemble en ce vendredi matin. J'espère bon pour vous. Courage à ceux qui vont bosser là. Merci d'être là sur Skyrock, d'attaquer la journée avec nous. Là, c'était le son de Ritza avec un des titres de son projet que vous avez découvert durant cette saison de Planète Rap avec Fred. Entre 20h et 21h, je m'en fous sur Skyrock. Ritza, l'horoscope de l'amour qui va débarquer là dans, allez, même pas deux minutes, hein, l'horoscope de l'amour là qui arrive. Votre puissance amoureuse là pour cette fin de semaine entre 0 et 5. Drake, Rihanna. Moi je pense que la puissance amoureuse de Rihanna, ça va bien. C'est au top. Too Good sur Skyrock. Allez, c'est tout de suite. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Alors, ça veut dire quoi le 2 en 1 pour Darty? Alors, le 2 en 1, c'est avoir deux objets en un, deux styles en un, deux fonctionnalités dans un seul appareil. C'est par exemple un PC qui est aussi une tablette. Du 10 au 30 août chez Darty, le PC tablette 2 en 1 Acer Switch One 10 S1002 est au prix exceptionnel de 199€ au lieu de 249. Et en plus, Acer vous rembourse 50€. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Grande colonne. Temple romain. Dressing extensible. Grand rangement. Largeur personnalisable. Prix optimisé. 69,90€. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Dressing avec rideau composé d'une colonne, de quatre étagères, d'un tiroir et d'un espace penderie à seulement 69,90€. Arrivage en quantité limitée à partir du vendredi 12 août dès 7h. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Ouverture exceptionnelle le lundi 15 août dès 8h, hors dépôt Alsace-Moselle. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, l'horoscope de l'amour, on va s'écouter Drake et Rihanna aussi avec Too Good sur Skyrock. L'horoscope de l'amour, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5, 0 sur 5 pour les poissons et les cancers. Une fin de semaine à rester sous la couette, repensez à vos actions de la semaine. Il est grand temps de faire un point, 1 sur 5 pour les gémeaux et les scorpions. Un vendredi à oublier, mais espérons que pour ce week-end, les forces de l'amour sauront inverser la tendance. À vous de montrer l'exemple. 2 sur 5 pour les lions et les sagittaires. Oxmo disait, les paroles partent et les actes marqué. Il est grand temps de marquer les esprits. Agissez. 3 sur 5 pour les vierges et les balances. Soyons honnêtes. Inutile d'être stratégique aujourd'hui. Soyez précis, soyez actifs. Visiblement, c'est votre audace qui paiera. 4 sur 5 pour les béliers et les capricornes. À la limite de l'invulnérabilité, avouez que se sentir désirable et désiré donne un sentiment plutôt agréable. Profitez. 5 sur 5 pour les verseaux et les taureaux. Mais quel vendredi, la fin de semaine et le week-end sentent très très bon. À vous de jouer. Abattez vos cartes et ferrez cette proie qui vous tend les bras depuis toujours. Voilà pour l'horoscope de l'amour pour aujourd'hui vendredi, on est le 12 août, il est 6h55 sur Skyrock. On retrouve l'actu là dans quelques instants, la météo, les indices de pollution, enfin la totale pour être au courant de tout ce qui va se passer là aujourd'hui. Drake et Rihanna tout de suite avec Too Good sur Skyrock. Oh yeah, yeah, yeah. À 6h56. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah.

et avait violé ses filles. On termine avec du sport et du foot. Si vous êtes fan de football, et ben vous attendiez ce moment. La reprise de la Ligue 1, c'est ce soir. Bastia PSG à 20h et Monaco Guingamp à 20h30. Suite demain et dimanche avec un OM Toulouse en clôture de la première journée. Et ouais, c'est reparti pour la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain archi favori pour cette saison 2016-2017. Mais ouais, malheureusement, ouais. Pas malheureusement pour la Ligue 1 quoi. Oui, pour la Ligue 1, ouais. Et pas malheureusement pour les supporters de Paris. Exactement. Pour eux ça va quoi. Ça va tranquille je pense, ouais. Yes. Bon vas-y Jules, tu reviens tout à l'heure à 8h. Ouais, à tout à l'heure. On va se faire un horoscope de l'amour aussi qui va débarquer tout à l'heure là dans quelques instants sur Skyrock. Et la roulette, c'est prévu. Ça va tourner ce matin, puisqu'on parlait de foot aussi, tiens, restez à l'écoute, hein, si vous êtes du côté de Bordeaux, de Nice, de Marseille, à Dijon, à Caen, à Montpellier, à Metz et à Nancy. On aura des places de foot à vous offrir dans l'émission là ce matin pour aller justement mater la reprise de la Ligue 1. Le Marseillais Alonso sur Skyrock, on se l'écoute maintenant. Major Lazer pour la suite et Justin Timberlake. Linda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu vas la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a quoi de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. morning. Morning. Morning. Rap et R&B. Rap. R&B. 6h-9h sur Skyrock. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Sur Skyrock, dédicace à vous tous là, qui attaquez la journée avec nous sur Skyrock, le morning rap et R&B avec Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling sur Skyrock, le Marseillais SCH et la tournée tient de SCH d'ailleurs, c'est à la rentrée, un petit peu après la rentrée. Il y a toutes les infos de dispo sur le site de la radio parce que c'est une tournée avec Skyrock. www.skyrock.fm SCH avec Allo Maman sur Skyrock. Ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allo Maman. Ouais, il y a l'horoscope de l'amour aussi qui arrive. Allez, dans une minute, ouais, horoscope de l'amour. Votre puissance amoureuse sur l'échelle de 0 à 5, ça dit quoi? Bon, on découvre ça tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Y'a le patron? Oh, sombre nouvelle à l'horizon. Oh, tu me fais la météo? Ah mais non patron, mais comprenez-moi. Aujourd'hui et demain, le concombre est à 59 centimes chez Lidl. Quoi? 59 concombres le centime? Mais non patron, 59 centimes le concombre. En plus, ils font les deux à 1,10€ et les trois à 1,50€. 1,50€ les trois. Ah ça c'est le pompombre. Je suis consterné. Je compatis patron, hein. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, origine France. Ils sont tous là, ses frères et sœurs, ses amis.

5h du mat sur Skyrock. On termine la semaine ensemble. Vendredi matin, on est le 12 août. Et là, c'était Major Lazer avec la voix de Justin Bieber avec Cold Water sur Skyrock. Il y a la roulette qui va tourner avec les places pour le concert privé. Le spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock du Whoop. C'est cadeau pour vous, là, dans la roulette qui va tourner tout à l'heure. Promis, en ce début de matinée. Si ça vous dit de vous inscrire d'ailleurs, vous envoyez le mot roulette là tout de suite. Allez, bonne chance pour les inscriptions. Vous envoyez roulette au 7-20-20. Comme ça, vous êtes inscrit. Vous passez en direct avec nous sur Skyrock. Drake, lui, va passer en direct aussi dans quelques instants. Avec Wenden sur Skyrock. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Allez, le son de Drake qui arrive sur Skyrock. Vendredi matin, il est 8h01. On se fait un point sur l'actu maintenant. On va attaquer directement avec toi, Jules, sur. On va faire un petit point sur la météo, les indices de pollution. Et ça fait plaisir ce matin. Du soleil sur toute la France avec quelques nuages bas sur le nord. Cet après-midi, pas de grand changement. Du soleil encore et quelques nuages sur la région Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais. Les températures ce matin vont de 18 à 26 degrés, 18 à Caen et Brest, 19 à Lille et Strasbourg, 20 à Orléans et Bordeaux, 21 à Agen et 24 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 30 degrés, 19 à Rennes, 23 à Nancy, 26 à Paris et à Nantes, 27 à Lyon et Perpignan et 30 à Nîmes. Au niveau de la pollution, c'est moins bien qu'hier, des indices entre 3 et 6, 3 à Limoges, 4 à Auxerre et 5 à Cannes. 8h01, pratiquement 8h02, il y a Drake qui débarque, il y a Vita et Jules tous les deux sur le même titre et puis la voix d'Alicia Keys aussi juste après tes actus. 5 médailles pour les Français hier à Rio, 4 de bronze et 1 d'argent. On attend évidemment de nouvelles médailles d'or et on y croit aujourd'hui. L'entrée en lice de Teddy Riner en judo, invaincu depuis 2010 avec 124 victoires de suite. Autre chance de titre olympique, Florent Manodou ce soir à 3h40 avec la finale du 50 mètres nage libre. Michael Phelps, monsieur record, l'américain remporte le 200 mètres 4 nage. C'est le premier nageur à remporter 4 fois la même épreuve individuelle au JO. Il décroche sa 22e médaille olympique. Vert au niveau national, orange dans l'arc méditerranéen aujourd'hui sur les routes. Demain, ce sera rouge dans les deux sens. Essayez d'éviter les grands axes au mieux possible. Et puis, si vous faites la fête et décidez de rouler de nuit, n'oubliez pas de choisir votre SAM avant la soirée. SAM, c'est celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Plus de 30% des 18-24 ans morts sur la route l'ont été dans un accident lié à l'alcool. Les feux se poursuivent dans le sud et dans les Pyrénées occidentales. Un incendie a eu lieu près de Perpignan dans la commune de Rodez hier. Ce matin, il est maîtrisé. Le feu ne progresse plus. À Marseille, plus de 2000 pompiers sont mobilisés et restent extrêmement vigilants pour empêcher un nouveau départ de feu. 3300 hectares sont partis en fumée. La piste criminelle serait privilégiée. François Hollande promet de tout faire pour trouver les auteurs. Un homme a d'ailleurs été interpellé et placé en garde à vue à Vitrolles. La personne aurait été aperçue près d'un départ de feu. Un projet d'attentat déjoué au Canada. Un jeune homme a été abattu avant-hier par la police. Il aurait prêté allégeance à l'État islamique dans une vidéo martyre interceptée quelques heures plus tôt par le FBI américain. On termine avec du sport et du foot. La reprise de la Ligue 1 ce soir avec un match d'ouverture Bastia-PSG. La dernière recrue en provenance du Real Madrid, Ressé, est dans le groupe. Pareil pour Ben Arfa, Cavani est lui absent pour blessure. Coup d'envoi à 20h ce soir, tout comme Monaco-Guingamp. Cette fois, ça sera à 20h30. Ok, ça y est, c'est reparti pour le foot. Aujourd'hui, c'est la fête des Clarisses d'ailleurs, Jules. Eh ben, bonne fête à toutes les Clarisses. Et je regardais les noms de fêtes. Franchement, il y a des prénoms qui n'existent plus. Ah bah non. Il y a un mec qui s'appelle Télémac. Comment? Télémac. Ah, ça existe. Ouais, ouais. Ah, voilà. C'est le 1er janvier, Télémac. Eh ben, je connais ça. D'ailleurs, c'est un Télémac en train d'écouter, franchement. Eh ben, gros big. Vous envoyez votre pièce d'identité, on vous met super bien. On vous envoie des cadeaux de dingue. Je pense qu'il y a. Franchement, je pense qu'il y a une personne s'appelle Télémac. Non, je pense pas. Ok. Bah, très bien, vas-y, tu reviens tout à l'heure à 8h30 pour les infos. Il y a la roulette qui va tourner, quel que soit votre prénom d'ailleurs. Hein, Clarisse ou Télémac, n'importe. Franchement, on prend tous les prénoms. Inscrivez-vous pour la roulette. La roulette qui va tourner tout à l'heure avec les places pour aller mater le Whoop, le concert et le spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock. Cadeau pour vous, la première, en ce début de matinée, cette fin de semaine, ce vendredi, j'espère bon pour vous. On est le 12 août, du son avec Alicia Keys, avec Vita et Jules sur Skyrock, et le son de Drake aussi, le carton de Drake avec One Dance sur Skyrock. Baby, à 8h04. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style.

juste après l'actu maintenant. C'est parti, on attaque directement avec toi Jules, avec la météo et les indices de pollution pour ce vendredi matin. Et bah c'est nickel ce matin, du soleil sur toute la France avec quelques nuages bas sur le nord. Cet après-midi, pas de gros changements, du soleil sur tout le pays et quelques nuages sur la région Rhône-Alpes et le Nord-Pas-de-Calais. Les températures ce matin vont de 18 à 26 degrés, 18 à Lorient et Guingamp, 19 à Lille et Mulhouse, 20 à Rouen et Bordeaux, 21 à Toulouse et 24 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 30 degrés, 19 à Rennes, 23 à Dijon, 26 à Paris et Bayonne, 27 à Lyon et Narbonne et 30 à Montpellier. Au niveau de la pollution, c'est moins bien qu'hier, des indices entre 3 et 6, 3 à Bayonne, 4 à Béziers et 5 à Nice. Le son de DJ Snake sur Skyrock dans quelques instants avec Let Me Love You et puis Jason Derulo aussi, un classique. 5 médailles pour les Français hier à Rio, 4 de bronze et 1 en argent. On veut de l'or aujourd'hui et on a raison d'y croire. Teddy Riner entre en lice en judo, invaincu depuis 2010 avec 124 victoires de suite. Autre chance de titre olympique, Florent Manaudou ce soir à 3h40 avec la finale du 50 mètres nage libre. Il a signé hier la meilleure performance mondiale de l'année en 21 secondes 32 en demi-finale. Vert au niveau national, orange dans l'arc méditerranéen aujourd'hui sur les routes. Demain ce sera rouge dans les deux sens. Essayez d'éviter les grands axes au mieux possible ce week-end. Les incendies dans le sud continuent dans les Pyrénées orientales. 1100 hectares ont été dévastés près de Perpignan dans la commune de Rodez hier. Ce matin, 300 pompiers sont toujours sur place. Le feu n'est pas complètement éteint, mais il ne progresse plus. À Marseille, plus de 2000 pompiers sont mobilisés et restent vigilants pour éviter un nouveau départ d'incendie. La piste criminelle est d'ailleurs privilégiée. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue à Vitrolles. En Thaïlande, explosion de plusieurs bombes font 4 morts. Hier soir et ce matin, des explosions ont eu lieu. Elles ont fait 21 blessés, dont des touristes. La police privilégie le sabotage local plutôt que la piste terroriste. Ils auraient pu devenir millionnaires, mais ils ne se sont pas manifestés. Deux personnes qui ont validé leur bulletin dans la Vienne et la Savoie en France avaient remporté 1 million d'euros chacun. Ils avaient jusqu'à avant-hier pour valider leur bulletin. Ils passent donc à côté d'une très très grosse somme. On termine avec du sport et du foot. Si vous êtes fan de football, et ben vous attendiez ce moment. Il arrive, il est là. C'est ce soir la reprise de la Ligue 1. Bastia PSG à 20h et Monaco Guingamp à 20h30. Suite demain et dimanche avec un OM Toulouse en clôture de la première journée. Ouais ouais, première journée de Ligue 1, ça y est, c'est reparti pour aller 10 mois de bataille pour savoir qui sera champion. Ouais, pour savoir qui sera champion pour cette nouvelle saison 2016-2017, même si les grands favoris c'est le Paris Saint-Germain. Ouais, toujours le Paris Saint-Germain en favori. Toujours. Mais il y aura des outsiders. Exactement. Comme tous les ans. Comme Bastia ce soir, peut-être. Voilà, on sait jamais. On sait pas. Il faut se passer un truc, hein. Faut se méfier des Corses, attention. Eh ouais. Eh ouais. Bon bah vas-y Jules, toi tu reviens. Demain. Ouais, demain tu seras là, ouais. Ouais. Pour attaquer la journée avec des actus dans tous les sens, pour histoire de bien attaquer la journée, être au courant de tout ce qui va se passer dans le monde et en France. Et toujours. Sur Skyrock. À demain. Ouais, ciao Jules, vas-y. Bonne journée. Nous on est parti pour passer le début de journée avec vous sur Skyrock, avec la roulette qui se prépare et qui va tourner comme promis dans quelques instants, avec l'horoscope de l'amour aussi qui arrive. Votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5 aujourd'hui, ça dit quoi? Bon bah restez à l'écoute. Là c'est DJ Snake et juste après c'est Jason Derulo. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle.

work, let my body do the work. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't. Clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride or die, she gon' go. I'm gon' do, she finesse. I fight books, she take that. Put in overtime. Les fils harmonies sur Skyrock, il est 8h48, c'est le morning rap R&B sur Skyrock, Work From Home, avant de retrouver le son de Justin Timberlake aussi, avant de retrouver Maxime qui sera là pour passer la matinée avec vous à partir de 9h du mat, et puis là c'est la roulette, allez c'est parti, on fait tourner. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Avec Kevin dans le 77 qui est en direct avec nous, allô Kevin. Salut, salut. Comment ça va Kevin? Très bien et toi? Bah super, écoute, vendredi, tu fais quoi toi? Aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui c'est repos aujourd'hui. Ok, tu bosses pas? Non. Tranquille, t'es parti en vacances? T'as pas envie? Comment ça t'as pas envie? Ouais, j'ai la chance d'être soir. Ah ouais, d'accord. T'as pas envie, tu vas pas bosser quoi. Voilà, c'est ça. Ok, bah t'as raison, écoute, hein, si ça fonctionne. Les vacances, c'est septembre. Ah ouais, septembre? Ok, ouais. Bon, très bien. Et t'as une idée, tu vas partir? Tu vas où? Saint Raphaël. Je t'entends super mal cette semaine dans un endroit qui capte un petit peu mieux, Kevin. Ouais, j'ai dit, je pars à Saint Raphaël. Saint Raphaël, dans le Var, dans le 83. Allez, c'est parti, la roulette qui tourne, tu l'arrêtes quand tu veux. Roulette avec les places pour aller mater le Whoop, le concert exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock. Stop. Allez, vas-y, on va mater sur quelle case tu vas tomber. On écoute ça. Est-ce que tu tombes sur la bonne case ou pas? Eh ouais, c'est la bonne. Tiens, tu repars avec les places pour aller retrouver Mister V, toute la clique du net qui débarque, le Whoop, qui débarque, le spectacle privé rien que pour vous, auditeurs de Skyrock. Et bah toi, tu seras, Kevin. Bah écoute, c'est super. Bah de rien, Kevin. Bah écoute, profite bien de ta journée où tu fais rien d'ailleurs, parce que t'as dit que t'avais pas envie de bosser, donc t'allais pas bosser. Bah facile, bah glande bien en écoutant la radio alors. Vas-y, okay, Kevin. Je peux faire un petit pub ou pas? Bah bien sûr, vas-y. Ok, bon bah écoutez, Facebook, OBLET, RENOV. Voilà, c'est ma petite boîte. Ok, ah, tu bosses dans la rénovation, c'est ça? Tu fais des... Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Bah écoute, vas-y, bah s'il y a des gens qui viennent de la part de Skyrock, tu leur fais un petit tarot, quoi. Voilà, Île-de-France, c'est Neymar de préférence. Ça marche. Ouais, ou alors à Saint-Raphaël pendant tes vacances. Saint-Raphaël pour prendre un peu d'argent pendant les vacances. Exact. C'est nickel. Ça marche, Kevin, vas-y, bah bonne journée en tout cas et bon Allez, été au aussi. Au plaisir, ciao. Ciao. Justin Timberlake sur Skyrock. Y'a Lolo qui dit petite dédicace à ceux qui bossent et qui écoutent Skyrock. Bah dédicace à toi Lolo.

The morning. Morning. The morning. Le morning rap et R&B. Wake up. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Justin Timberlake sur Skyrock avec Can't Stop the Feeling pour clôturer le morning rap et R&B de ce vendredi. C'est le meilleur des mornings, celui-là, le dernier de la semaine. Ouais. C'est pour ceux qui se lèvent là, franchement, de savoir qu'il y a le week-end qui approche. Ça, déjà, pour toi surtout. Hein. Ouais, pour moi aussi, ouais. Bah, je me mets dans le lot d'ailleurs. Parce que je me suis levé tôt pendant toute une semaine. Mais j'ai pas l'habitude. Mmh. Ouais, mais c'est pas mal en fait. Bah ouais, ça fait plaisir de pouvoir se reposer une petite journée là. T'inquiète, moi demain je casse le lit quoi. Bon allez, Can't Stop the Feeling, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Et puis est-ce que Teddy Riner va avoir le feeling tout à l'heure? Il peut devenir le judoka le plus titré au monde ce soir s'il gagne sa finale. Bon, on attend de toute façon avec impatience son arrivée dans les JO, parce qu'on en a besoin déjà, parce qu'on sait que lui pourvoyeur de médailles. Et c'est pareil pour Florent Manodou aussi. Ah ouais, les deux ça rapporte des médailles dans tous les sens. Donc Teddy Riner, la finale à suivre ce soir. Ouais, c'est tard en plus hein, par contre. Bah, dans la nuit je crois. Bah oui, forcément à Rio c'est pas la même heure.